Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Sarah Connor va-t-elle sauver le monde ? La série Les Chroniques de Sarah Connor succède aux films Terminator 1 et 2. Elle met en scène Sarah et son fils dans un monde charnière où règnent des machines implacables, terribles, au pouvoir de destruction. Sarah Connor survit depuis la mort de Terminator avec son fils, devenu un héros. Les deux protagonistes tentent d'échapper au contrôle électronique du gouvernement Skynet grâce à des alliés tous plus dangereux les uns que les autres, venus du futur et d'ailleurs. Voici la saison 2 des Chroniques de Sarah Connor. Dans le futur, des machines ont été envoyées à travers le temps. Certaines pour le tuer, mon fils. Une pour le protéger. Viens avec moi si tu veux vivre. Sarah Connor ? Qu'est-ce que t'as fait à mon fils ? L'avenir nous appartient et tout commence. Maintenant. Je vais pas fuir toute ma vie. Hors de question. Je vais les arrêter. Aujourd'hui, nous nous battons pour changer notre avenir. Personne n'est jamais en sécurité. La guerre pour sauver l'humanité commence maintenant. Pourquoi ça recommence ? Terminator, les chroniques de Sarah Connor, saison 2, un DVD Warner Home Video.